Et des larmes, se dit Hulot en achevant cette lettre, des larmes qui rendent son nom indéchiffrable. Comment va-t-elle? Dit-il à Reine. Madame est au lit, elle a des convulsions, répondit Reine. L'attaque de nerfs a tordu madame comme un lien de fagot. Ça l'a prise après avoir écrit. Oh, c'est d'avoir pleuré. L'on entendait la voix de monsieur dans les escaliers. Le baron, dans son trouble, écrivit la lettre suivante sur son papier officiel à têtes imprimées. « Sois tranquille, mon ange, il crèvera sous-chef. Ton idée est excellente. Nous nous en irons vivre loin de Paris, nous serons heureux avec notre petit Hector. Je prendrai ma retraite, je saurai trouver une belle place dans quelque chemin de fer. Ah, mon aimable ami, je me sens rajeuni par ta lettre. Oh, je recommencerai la vie, et je ferai, tu le verras, une fortune à notre cher petit. En lisant ta lettre, mille fois plus brûlante que celle de la nouvelle Héloïse, elle a fait un miracle. Je ne croyais pas que mon amour pour toi pût augmenter. Tu verras ce soir chez Lisbeth. Ton Hector pour la vie. » Reine emporta cette réponse, la première lettre que le baron écrivait à son aimable amie.